Le 7 février, à 6h du matin, le signal du départ fut donné par Glenarvan. La pluie avait cessé pendant la nuit. Les voyageurs, munis chacun de leur part de vivres, commencèrent à tourner les rivages dans la baie Aotea. Par prudence, ils ne s'écartaient point les uns des autres. Sur le rivage, caressé par la marée montante, s'ébattaient quelques animaux marins, peu soucieux de s'enfuir. Les phoques avaient leurs têtes arrondies, leur front large et recourbé, leurs yeux expressifs présentaient une physionomie douce et même affectueuse. On comprenait que la fable, poétisant à sa manière ces curieux habitants des flots, en eût fait d'enchanteresses sirènes, quoique leur voix ne fût qu'un grognement peu harmonieux. À 10h, halte pour déjeuner, au pied de grands rocs de basalte, disposés comme des dolmens celtiques sur le bord de la mer. La halte finie, on continua de suivre les rivages de la baie. À 4h du soir, 10 000 avaient été franchis sans peine ni fatigue. En ce moment, il fallait, en tournant le pied de quelques montagnes qui apparaissaient au nord, s'engager dans la vallée du Waipa. Il fallait se frayer une route à travers des tiges ligneuses. Cependant, à 8h du soir, les premières croupes des Arakikoata Ranch furent tournées et le campement organisé sans retard. Le lendemain, 8 février, les Maoris n'avaient point paru. Pendant les premières heures de cette journée, les Taïs retardèrent encore la marche. Mais avant midi, la petite troupe atteignit les rives du Waipa et remonta sans peine vers le nord par les berges de la rivière. Entre les branches des grands arbres, bavardaient quelques cacatoès.